Internet de façon illicite, sans l'accord des auteurs, rien ne protège plus les droits de ceux-ci. La force du système, c'est également sa faiblesse. Les militaires américains avaient conçu Internet pour que rien ne puisse arrêter le transfert des informations. Aujourd'hui, même la législation s'avère incapable de contrôler le monstre. Est-ce que cette loi n'a pas pour but de protéger les majors, les grandes sociétés qu'on connaît, dont on va parler, qui sont derrière Internet, et non pas de lutter contre la piraterie? Finalement, on protège quand même plus les intérêts des grandes sociétés. Qui détiennent par conséquent le droit de la création. Est-ce qu'ils s'y connaissent? Dans la vie, je ne vais pas dans un grand magasin prendre des disques et ne pas payer à la caisse, c'est illégal. Non, les utilisateurs de musique en ligne ne sont pas des pirates. Beaucoup de gens demandent simplement l'expression de la liberté. Tout simplement, c'est-à-dire que la copie privée, qui a toujours été un élément, je dirais, déterminant de l'utilisation, c'était le droit à la connaissance, et bien cette copie privée aujourd'hui, elle est volée. Et c'est là la résistance. C'est pas un problème de droit, c'est pas un problème de criminel, c'est un problème d'éthique. Regardez, aujourd'hui on a encore plus de piratage qu'avant, et non seulement on a encore plus de piratage de films qu'avant, plus exactement de téléchargement de films qu'avant, et on a encore plus d'enfants en salle qu'avant. On rêvait de grand désir de liberté de communication, puis finalement ça sert quoi? Derrière le masque, le pirate, ennemi public numéro 1 de l'industrie du disque, il est accusé d'être responsable de la chute vertigineuse du marché de la musique. Équipé seulement d'un ordinateur et d'une connexion internet à haut débit, il ferait trembler une économie toute puissante. Mais le piratage est-il vraiment l'assassin de la musique comme le laissent entendre les professionnels du disque? Pas si sûr. Le CD, tout d'un coup, l'industrie a vraiment pris les artistes pour des cons, parce qu'elle a dit, ah ben voilà, on va doubler le prix de l'objet, puisque avant on vendait un vinyle à un certain prix, quand le CD est sorti, on l'a vendu deux fois plus cher. Deux fois plus cher, mais le bénéfice réalisé est allé dans la poche des maisons de disques, pas des artistes. Ils ont refusé de changer la part allouée aux artistes. Donc ils l'ont vendu deux fois plus cher. Mais c'était un hold-up puisque le CD coûte moins cher à fabriquer que le vinyle. Donc le prétexte était que c'était une nouvelle technologie. Regardez cet objet inusable, incassable, inrayable, on va vous le vendre deux fois plus cher, donc gagner deux fois plus, et tout le monde se tait. Là, ça a commencé à se vérouler. Là, tout d'un coup, il y a un truc à craquer quelque part où tu te dis, attends, ils ont totalement pété les plombs, il n'y a plus aucune connexion avec la réalité. Internet est un grand danger. Je veux dire, c'est pas un criminel. Je suis tout d'accord. Je voyais un député en face de moi qui me disait, si, c'est criminel et tout, et puis je lui disais, mais votre fils, là, il en fait autant? Ah, bah oui. Absolument pas une zone de droit, c'est un nouveau moyen de communication comme le téléphone ou la télévision, et le droit s'applique tout à fait normalement. Il n'y a pas du tout besoin de rechercher de nouveaux textes pour condamner plus lourdement les... La question de mon fils 9 ans, qui entend justement dire qu'on arrête le jeune pirate, là, et que c'était un criminel, il dit mais il n'a pas pris un pistolet pour attaquer, pourquoi est-ce que c'est un criminel? C'est un délinquant. C'est un délinquant.